Et ce n'est natif de l'Ossouet, y'a un pays qu'au pas ben grand. Et son Bernon est vieux château, que Vétouillon est Mont-Saint-Jean. Y'a un pays qu'au ben fertile, les truffes poussent au bramant. On y plantera de la vanille, que fleurira le bon printemps. Mon père qui est au labourou, au coin du feu me disait commencer. Si y est tiré le diable pour les coups, à forêt de bâteur vers paix. Te serait le bourou que moi ton père, ton grand-père y est au devant moi. Tipio cultiveront les terres et ceux des prés affrontement toi. Te ferai le chevaux à m'chaud l'évêche si tu veux faire un bout de maillon. Ne lèche pas tes bœufs et les cloèches et le vin des tio quécho. Y'a suivi le conseil de mon père, il faut le quécho tant qu'il peut. Ça fait des mots et des véchères, mais on n'est pas tout le monde qu'on veut. Ce n'est pas moi qu'on voit au cours, dans nos villes pour travailler. À Foro qui se bain pour qu'on fait changer de métier. L'eau cinéma, danse, théâtre, tout ça pour moi y'a de la blague. Il trouve que y'a ben plus folâtre, est-ce mûr pour les fouettes de les bagues. Il va me marier l'autre semaine, et vous les filles du grand chapé. Sa jolie piotte s'appelle Germaine, ça y'a un nom qu'au parapé. Elle est de l'argent des terres des vignes, elle aux jolies qui ont se toqué. Ces grandes pâtures chez les mannes, aïe que les bouches récopées. Il va vous dire un tiote fer que nos pas plus grosses que rang. Tout en cultivant les terres, ils ne pensent pas en quel argent. S'il y a des mots, ils se montrent, ils ont des sabots plus que de souillés. Il ne connaît point de garde champêtre que pour au moins pour acheter chanter.